Bonsoir. Tous les canards vont à la mare et c'est bien fait pour vous. Nous sommes ensemble jusque 22h. Oui. Et on a démarré l'émission avec Guérir ma colère. Elle le dit assez souvent. Hein. Ouais. Marie Modiano, la fille de l'autre. Écrivaine aussi, comme Papa Patrick, hein, qui est écrivain. Mm-hmm. Et qui, de temps en temps, chantonne et se retrouve sur une compilation d'un label qu'on suit ici chez les canards, qu'on aime bien, qui s'appelle La Souterraine, qui rend hommage à la chanson française sous toutes ses formes, les plus accessibles aux plus improbables. Et puis, il y a une compilation qui sort régulièrement. Voilà, si vous êtes abonné, vous recevez un petit message qui vous dit « ça y est, on est là ». La compilation de ce mois-ci et de cette semaine-ci s'appelle « Tous coupables ». Et sur cette compilation, il y a ce fameux « Guérir ma colère » de Marie Modiano, que je trouve personnellement absolument superbe. Ouais. De bout en bout, ce titre est... j'espère qu'il y a un album qui va arriver derrière. Franchement, il y a quelque chose. C'est... Et tant que parler de La Souterraine, eh bien, ils vont sortir une compilation payante pour le coup. Ouais, parce que j'ai oublié de vous dire, tout ça est gratos. Mais ils vont sortir une compilation payante en CD, vinyle, double vinyle, etc. Pour ma part, ça sera un double vinyle. Alors, on va faire les choses bien. Forcément. On va faire les choses bien. Compilation qui va s'appeler Ouf. Ouf, la compilation. Excellent. Donc, dès qu'on a Ouf, la compilation, ça passera ici. D'accord. Au programme ce soir. Album de la semaine. Mm-hmm. C'est bien. La review de Korenko. Le fil rouge. Il y aura une archive du dimanche. Ah bah oui. Bah oui. Bah oui, forcément. Dimanche, ouais. Books on the radio. Et il n'y aura pas de 45 tours qui craquent pour ce soir, parce qu'on est dans le digital. En tout cas, moi ce soir, c'est digital. Total. Nouvelle technologie, ça y est. Voilà. Total digital. Mais bon, on va se balader en Belgique parce que j'ai pas mal de choses, de groupes belges qui traînent depuis un moment. Et vous allez voir que ça part un petit peu dans tous les sens quand même, mais on a des choses très très solides. Bah tant mieux. Mm-hmm. Non, pour ma part, on va faire un détour hein, en Italie, au Mexique. Ah notamment. Bah, voyageons un peu. Mais oui. Allons prendre un peu de, soleil. Un peu de soleil, un peu de ciel bleu en Italie, ça. Au Mexique. Quoi, parce que, quand même, hein. On en a besoin. C'est ça. Bon, là, 300, combien ? 314. 314. Bim. C'est parti. L'ironie du primate. Humour Louis-Philippard, le sarcasme prudomesque. Monsieur Laudin, vous faites sans doute autorité en matière de bulldozer, tracteur et caterpillar, mais vos opinions sur la musique moderne et sur l'art en général, je vous conseille de ne les utiliser qu'en suppositoire. Voilà, et encore pour enfants. « Allez, album de la semaine. Allons-y donc. Et donc on part en Italie avec un duo qui s'appelle Is Electro Blue Voice. Ouais. Alors ne vous fiez pas au nom du groupe. C'est de l'électro ? Pas du tout. Mais vraiment pas. C'est du jazz alors la Blue Voice ? Non plus. Bon ouais, voilà. Non plus. C'est presque à l'opposé. Bon. Pas vraiment, mais un petit peu quand même. Alors duo italien qui vient de Como en Italie. Mmh. Donc formé par Francesco Mariani, oui, à la guitare et à la voix, et Andrea Cantalupi, mmh, à la batterie, et qui fait également les parties basses, forcément sauf en live. D'accord. C'est un peu compliqué derrière la batterie et faire de la basse en même temps. C'est ça. Et donc ils ont des bassistes différents pour les suivre en live. Des bassistes de session. C'est ça. Des pièces rapportées. C'est ça, mais des bassistes, hein. C'est ça. Terrible dans le monde de la musique. Il faudra faire un jour un petit report là-dessus. Scandaleux, comment les bassistes sont maltraités dans les groupes. Oh, pauvre petit bassiste. Ouais. Et donc, leur dernier album, qui est sorti il y a quelques semaines à peine, s'appelle Mental Hoop. Mm-hmm. Et c'est sorti chez Avon, ou Aventi. Parce que c'est un label italien. Aventi. Aventi. Mais c'est avant avec un point d'exclamation, c'est donc ça. C'est avant. Ouais, ouais. Voilà. Et si tu mets point d'exclamation à l'envers. Ouais, non, mais c'est ça. Hein. C'est l'aspect stylistique, quoi. C'est ça. Alors, leur nom, en fait, ils n'arrivent pas vraiment à l'expliquer. Ça commence bien. Ça commence très bien. Puisque, en fait, ils se sont formés au tout début des années 2000. Mmh. Et ils expliquent qu'ils avaient peut-être un peu trop bu, un peu trop fumé, autre chose qu'une cigarette, ouais, à ce moment-là, et que c'est Francesco qui est venu avec ce nom-là, et qu'ils ont décidé de s'appeler Is Electro Blue Voice, et qui n'a rien à voir du tout avec leur musique. Vous allez vous en apercevoir tout de suite. Mmh. Premier extrait pour ce soir, pour cet album Mental Hoop, on va écouter le morceau Jaws. We'll be right back. is Electro Blue Voice avec Joe's, extrait de l'album de la semaine Mental Hoop. C'est bien sympathique, hein. C'est bien sympathique. Ouais. Un peu punky sur les bords. Ouais. Traînent dans leur garage. Bah pas vraiment. Non. Non. Alors non. Andrea et Francesco se sont rencontrés en fait en faisant des graffitis dans les rues de Como, mm-hmm. en Italie. Et ils ont eu quelques déboires avec la justice, forcément. Mais oui. Mais oui. Et donc, pour se calmer un peu, ils ont décidé de faire de la musique. Alors, ils viennent tous les deux à la base du rap. Ouais, ça s'entend pas vraiment. Non. Et ils ont grandi forcément avec MTV. Ouais. Et donc, avec des groupes comme, comme Nirvana, entre autres. Voilà, mais également Joy Division, The Smiths, tout team. Voilà, et ils se sont retrouvés dans une maison de jeunes à Como où on mettait à disposition des instruments de musique pour les jeunes qui voulaient venir faire de la musique. Et ils s'y sont essayés. Alors, ils savaient pas vraiment jouer à la base, donc ils ont appris un peu sur le tas. Et d'ailleurs, ils jouent toujours au même endroit. Et donc, ils répètent toujours dans cette maison de jeunes à Como, encore actuellement. Allez, c'est sympa ça. C'est sympa, hein. Alors, premier EP était sorti en 2007 avec, avec le groupe Nuit Noire. Ouais. Ça me dit quelque chose. Ouais. Et donc ils ont continué un petit peu leur bonhomme de chemin. Ils ont sorti encore une fois quelques morceaux, encore et toujours avec Nuit Noire, toujours sur leur label Avanti, avant de sortir ce Mental Hoop, notamment également chez Maple Death Records, un autre label qui est un peu plus gros quand même que Avanti. Bien. Voilà. Bon. Allez, deuxième extrait pour ce soir et pour cet album Mental Hoop. Avec plaisir. Les Electro Blue Voice, on va écouter Earthworm, Vers de terre. Yeah. Le retour des Américains de Glasgow en 2017, 20 ans après leur première hippie, quand même. Ouais. Hein, pour un groupe qui s'est formé il y a 25 ans, quand même. Hein. Ça paraît pas, mais si. Les Deftones du pauvre, comme diront les méchantes langues. C'est du Deftones, quoi. Ouais, c'est du Deftones parce que la voix de Taril Polambo fait furieusement penser à la voix de Chino Moreno et ça, ben, n'y peut rien, le gaillard. Ben voilà, Material Control, c'est cet opus 2017 qui est décrit un peu partout. Et dans le genre, moi, qui n'ai pas un grand amateur de ce genre-là, je trouve que c'est plutôt bien foutu, que ça tient plutôt la route, et on écoutait Shira comme premier extrait de cet album Material Control, Glasgow, de là en faire un top album, certainement pas, mais c'est honnête et ça tient la route, voilà. Ok, conseil consommateur. Conseil consommateur, si vous aimez le truc, et alors si vous aviez par exemple 15-16 ans à l'époque du néo-métal, vous allez adorer ce disque 20 ans plus tard, sans problème. C'est ça, si vous aimez bien Deftones, vous allez aimer ça de toute façon. Et probablement, c'est vraiment proche de Deftones. Et probablement que si vous aimez bien Deftones, vous allez adorer, effectivement. Allez, Fil Rouge, qui n'a rien à voir avec Deftones, on est loin de là. Mm-hmm. On est toujours avec Leonard Cohen, et on entre presque dans les années 90, ah, puisqu'on est en 1988. Ah, et ce fameux mon costume. Et ce fameux album I'm Your Man, qui sortira donc en 1988, avec plein de petits morceaux. Ou de grands morceaux plutôt. Et notamment Everybody Knows. Ouais, plein de grands morceaux, petits morceaux, oui, mais c'est ça pour va ça pas ça la que tête. Je dis ça. C'est de grands, grands morceaux. Ouais. Donc Everybody Knows, ouais, qui se retrouvera dans plein de films. Absolument, lui, il aurait été bien exploité. À mort. Qui parle notamment de la lutte contre le sida, qui parle des problèmes religieux, qui parle des problèmes sociaux, etc. Qui parle du monde, madame. Qui parle pas du qui monde. Parle du... Si, si. Et on l'entendra tout à l'heure, parce que forcément, c'est ce morceau-là qu'on écoutera. Mm-hmm. Forcément, Everybody Knows est repris à tous les couplets. Ouais. Et everybody knows that the dice are loaded. Tout le monde sait que les dés sont pipés. C'est ça, voilà, vous sont jetés, c'est comme vous voulez. Everybody knows that the good guys are lost. Voilà. Enfin bref, ouais, tout ça. Ouais, ouais, ouais. Tout ça, donc ça veut tout dire. Et puis, pour ouvrir cet album, on a First We Take Manhattan. Then We Take Berlin. Voilà. Et qui, est, encore, qui parle encore des problèmes géopolitiques. Ah ben ouais, non, mais c'est furieux. Hein. C'est à l'époque de Trump. C'est ça. Et l'époque de Merkel. C'est vraiment formidable. 30 ans avant, boum. C'est ça. Ah ouais. Comme quoi, il était un peu visionnaire sur ouais, les bords. Ouais. Disque incroyable. Ouais. Très très grand album de Leonard Cohen. Sûrement le plus grand album de Leonard Cohen. Probablement. I'm Your Man, on va écouter Everybody Knows. Allez, allez tous à la messe, allez au recueillement. C'est ça. Ça dure 5 minutes 36 et ça ira vraiment jusqu'aux 36 secondes. Oh oui. Il n'y aura pas le petit Devin Townsend qui va venir faire sa merde. Promis, 5 minutes 36 avec Leonard Cohen. À la messe, les amis. Cross. Everybody knows the war is over. Everybody knows the good guys lost. Everybody knows the fight was fixed. The poor stay poor, the rich get rich. That's how it goes. Everybody knows. Everybody knows that the boat is leaking. Everybody knows the captain lied. Everybody got this broken feeling, like their father or their dog just died. Everybody talking to their pockets. Everybody wants a box of chocolates and a long stem rose. Everybody knows. Everybody knows.

Allez, un petit retour sur les musiques brillantes et agitées avec le webzine Core & Co, comme chaque dimanche, plus ou moins à cette heure-ci. Hein. C'est vrai, hein. c'est plus ou moins. Plus ou moins comme maintenant. Et donc forcément, c'est des nouvelles qui ne sont pas neuves, bien évidemment. Eh ben non. Oui, puisque c'est déjà sorti la semaine passée. Bande de petits comiques que nous sommes. Kyle Killer Boogie qui rêve d'Acide, deuxième opus pour ce groupe qui va s'appeler Acid Cream. Ça va sortir chez l'excellente maison Heavy Psych Sounds, bien sûr. Ça sera le 9 mars prochain en CD, vinyle noir et vinyle limité bleu. Hein. Maintenant, on annonce tout ça. Hein. Et toutes les couleurs. C'est ça. Il y aura 11 titres sur ce disque. Les Suédois de The Crown qui ont terminé l'enregistrement d'un nouvel album qui sortira chez Metal Blade. Ça sera pour l'an prochain. Le premier single s'appelle Iron Crown. Sortira le 12 janvier en différents formats aussi. Décidément, on n'arrête plus avec cette vague de sortie. Un inédit pour Napalm Death qui a balancé un morceau qui date de 2014. Ça s'appelle Nurse the Anger. Et c'est du Napalm Death, bien évidemment. Rayon français, on va pas à Rouen, on ira après à Rouen, j'explique pourquoi. Mais on s'en va du côté de Bordeaux avec Dirge, Bordeaux et Paris, qui va sortir un nouvel EP. Alma Batica, ça sortira le 15 décembre prochain via Division Records. Dirge, c'est Rayon entre post-rock et post-metal. Voilà, on va dire ça comme ça. D'accord. Ouais, on les aime bien ici, on les a déjà diffusés à l'une ou l'autre prise, bien évidemment. Un titre issu de Kingdom Disclaimed, qui sera le 9e album studio pour Morbid Angel, qui est sorti ce week-end. Morbid Angel n'est pas mort. Mm-hmm. Bien, hein. Mmh, génial. Fractal Universe qui met en ligne son premier clip qui s'appelle Scar Legacy or Hate, extrait de l'album Engram of Decline pour Fractal Universe. Et le clip est plutôt bien foutu, c'est bien fait. Alors il y a évidemment la chronique cette semaine de Iron Maiden pour le Book of Souls Live Chapter, etc. Nos amis de Proxity ont eu l'occasion d'en parler en long et en large hier aussi dans leur émission. À mon avis, ce live de Maiden va un peu occuper tout le monde cette fin d'année pour les top albums, probablement. Et dans le même registre, Machine Head, évidemment, qui commence tout doucement à faire des petits, qui va nous sortir un album live. Voilà, No We Die, ça se passe là. C'est une version héritée d'un album qui va donc s'appeler Catharsis, qui sortira fin janvier. Et ça va reprendre l'intégralité d'un concert filmé à San Francisco en 2015 pour Machine Head. Bah ouais, on va aussi décliner les albums live. Il y a un petit moment qu'on faisait plus ça. On y remet une couche. Hein. Ah, parce qu'on ne parle pas beaucoup, à mon avis. Conseil consommateur. Ouais. Allez voir. Superior Firepower, nouveau morceau pour Mammoth Grinder. Et leur album Cosmic Crypt sortira le 26 janvier prochain. Du nouveau aussi pour Corrosion of Conformity, pour le morceau What Named Crow, extrait d'un album qui s'appelle No Cross, No Crown, qui sort le 12 janvier. Il va y avoir plein de choses en janvier. Hein. Comme on peut s'en rendre compte. Voilà pour les news. Pas grand-chose, finalement. Hein. Oh, c'est la fin de l'année. Hein. C'est un peu la fin de l'année. Donc, à mon avis, à partir de la semaine prochaine, il y a les coffrets, les rééditions. C'est ça. Et j'en passe, c'est les meilleurs. On s'arrête sur un album de 2016, dont j'ai eu l'occasion d'en causer, figurez-vous. Bah ouais, pour une fois, allez, je m'y colle. Pour un groupe quatuor qui s'appelle Pyjamarama. Bien évidemment, ça fait référence à Pyjamarama, l'album de Roxy Music, For Your Pleasure, album de 1973, où on retrouve, si vous cherchez un petit peu, Amanda Lear sur la pochette de ce disque. Mm-hmm. Chez Pyjamarama, on a un beau ciel bleu, on a comme un décor comme ça de plage, un petit peu multicolore, ça, un peu enfantin, ça fait penser aux vacances, ça fait penser au soleil. Il y a un indice quand même, c'est que l'album sort chez A Temps Rêvé du Roi. On les aime bien ici. On les aime bien ici. Et c'est pas toujours très très soleil. Pourtant là, on y est. On est dans une pop un petit peu rebelle, un petit peu revêche. Et carrément du space rock. façon au quint parfois, pour les claviers ou ce genre de choses. Donc, bah ouais, quand même, c'est construit. Certaines choses font penser à des groupes connus, et on retrouve dans ce quatuor ben, notamment des membres de Papaye, Vagina Tone ou encore Steel of Quality, des gens connus ici aussi. C'est ça. Voilà. Donc voilà, on est en terrain connu. On est en terrain connu. Et puis voilà, ce disque sort quand même un peu du lot par son approche musicale et par les genres qu'il emprunte tout simplement. On est bien dans la session métal, mais on va partir sur quelque chose d'un petit peu plus doux. Pour une fois changé, Pyjama Rama, on va écouter Mayhem, un de mes titres préférés, voilà, comme ça vous savez vraiment tout. Ça fait un peu penser à Doom Doom Boys, dans l'idée, ouais, voilà. Mayhem, Pyjama Rama, et je vous parlais de Rouen parce qu'ils sont basés à Rouen, justement. C'est parti. Nothing. Besoin d'infos? Envie de retrouver un titre diffusé? Découvrir nos playlists? N'hésitez pas à nous dire bonjour. Pour nous contacter, bonjour@rqc.be. bonjour@rqc.be. Elle est en douceur, hein. Mais ça le fait. Petit morceau groovy, yeah. Du soir. Gladys Knight and the Pips. Ah, Gladys. I've got to use my imagination. C'était sorti en 1973. Bien. Ah ouais, quand même. Ah bah oui, ça date, il y a quelques années. Bon, la suite. Ah oui, à ce qui paraît. Ouais, bah, la suite, tu peux mettre la suite. Ça, voilà. Parce que ça s'est décidé à la dernière minute. Ouais, ouais, bah c'est normal, c'est du live ici. Ouais, c'est ça. Bah ouais. Alors, on est allé les voir en concert il n'y a pas très longtemps et ils sortent un deuxième extrait de leur prochain album qui sortira en février 2018. De Soft Moon. Ah bah voilà. Ah bah oui. Sortira Criminal. Criminal. Toujours chez notre très cher Sacred Bones Records. Et le deuxième extrait s'appelle It Kills. Thank you. Bon, les gars, je dois vous dire quelque chose d'extraordinaire. Bonjour, mes chers auditeurs. Quoi ? C'est la belle mélodie, hein ? Voilà. Pour moi, c'est pas la musique, quoi. Oui, j'ai l'oreille absolue, voyez-vous. Et c'est excessivement rare, et merci bien. Fume, c'est du belge. Il y a 15 ans que j'ai fait des chansons, je ne sais pas comment on fait une chanson. Je sais à peu près maintenant comment on ne fait pas une chanson. La place Poulette, hein, c'est grand. Et pas sur la croisette, hein. Sur RQC 95 FM. Et ça, vous l'avez peut-être parfois de temps en temps la semaine pour la playlist automatisée Fume c'est du belge. Et on va faire un mini Fume c'est du belge. Ouais. Jusqu'aux alentours de 21h. Voilà, mm-hmm. Je vous dis c'est mini. Ben voilà, pour varier un peu les plaisirs avant de retrouver Books on the Radio. Deux titres et deux groupes qui n'ont rien à voir, mais qui pourtant font bien penser à ce que peut être la Belgique musicalement parlant, un joyeux foutoir parfois. On va démarrer avec les Missiles of October, extrait de leur dernier album en date qui s'appelle Better Days, qui sortait l'an dernier. On va écouter le titre Loser et ça sera suivi, rien à voir. On va quitter Bruxelles, on va aller du côté de Liège. Kings of Edelgrand, The Gate. Extrait d'un EP, Kings of Edelgrand, c'est un duo, Jérôme Caudron et Josias Delcourt, rayon plutôt folk et plutôt un peu envolé à la Sigur Rós. Ah, voilà. Ouais, rien qu'à voir la pochette de l'album, ce n'est pas très étonnant. Allez, ça donne envie. Missile of October suivi de Kings of Edelgrand et puis on se retrouve, on te retrouve notamment pour Books on the Radio. C'est parti. We'll be right back. tous les canards vont à la mare. Et c'est bien fait pour vous, RQC. One line. One line. A paper. A sound. Allez, Books on the Radio, avec une auteure française même, Claire Favan, et son bouquin Miettes de sang. Prometteur. Alors, on se retrouve dans une petite bourgade du Midwest américain qui s'appelle Poplar Bluff. C'est joliment dit. C'est joliment dit. Hein. Ouais. Notre héros est presque un anti-héros, ouais. Danny Myers. Dans la trentaine, qui vit encore avec sa mère, enfin, qui vit en fait au-dessus du garage de sa mère, voilà, et dont le père était un capitaine de police très reconnu donc dans cette bourgade, et sa mère a tout fait pour que son fils suive les pas de son père, et donc il se retrouve propulsé comme commandant de police là-bas. Ouais. Alors que Danny Myers, c'est un peu le gars qui t'énerve, parce que c'est le gars qui va toujours dire oui à tout, et qui va rentrer la tête dans les épaules, et qui va dire « ne me frappez pas, au secours ». Voilà. Le Glass Joe, on en parlait tout à l'heure. c'est ça. Donc en fait, son métier, bah, voilà, c'est un peu le souffre-douleur, en tout cas, du capitaine actuel. Et un soir, il est invité chez ce fameux capitaine. Mm-hmm. C'est pas trop pourquoi, parce que tout le monde le déteste, en fait. il toque à la porte, personne ne vient l'ouvrir, et se rend compte que la porte est ouverte. Donc il va rentrer, et il va découvrir des traces de sang un peu partout dans la maison. Et surtout, il va retrouver un morceau de la jambe de son capitaine derrière le divan. Mm-hmm. Puis il va le retrouver en fait en petits morceaux. Ah ouais. Et à l'étage, dans la chambre, il va retrouver la femme de ce capitaine morte également. D'accord. Bon. Il y a mieux. Alors bien sûr, pour lui, bah, ça lui fait ni chaud ni froid, vu que il détestait son capitaine, vu que c'était ouais, mais c'est le gars qui a un peu rien à secouer. D'accord. Si tu vois ce que je veux dire. D'accord. Et c'est un peu c'est le gars à qui on donne tous toutes les basses besognes, et donc il devra se taper l'autopsie. Alors que le gars a peur de tout, même de son ombre et de sa mère. Ouais. Et en fait, il va apprendre durant cette autopsie que c'est la femme du capitaine qui a tué et puis qui s'est suicidée. Carrément. Le seul hic là-dedans, c'est que la femme du capitaine, elle fait 1m60 et 40 kilos. Ouais. Et que son mari est plutôt... athlétique. Un bœuf. D'accord. Voilà. Et tout le monde sait en fait que ce capitaine-là battait sa femme. Et donc c'était un peu la femme dans son coin qui parle pas et qui dit aussi amène à son mari tout le temps. Bah, décidément. Et donc on trouve ça, en tout cas Danny Myers trouve ça très étrange. Il essaye d'en parler à son collègue qui est passé capitaine à la place de l'autre, qui est encore pire que l'autre. Voilà. Mais c'est classé. Sa femme, on n'en parle plus. Sa femme l'a tuée, elle s'est suicidée par la suite. Il se pose pas trop de questions. Jusqu'à ce que Danny Myers soit rappelé, puisqu'en fait, il se tape tous les services de la nuit, du soir, etc. il s'occupe de faire traverser les enfants après l'école. Enfin, vraiment, les trucs à chier, en fait, le travail à chier. Et il y a une voisine qui appelle pour dire qu'elle a entendu des coups de feu venant de chez ses voisins. Mais encore une fois, bah, on l'envoie parce que cette fille, cette femme, cette vieille femme, bah, appelle souvent pour rien, quoi. Voilà, elle entend une voiture pétarader dans sa rue, elle pense que c'est des coupe-feu. Bon, il se rend quand même sur place et il va découvrir, encore une fois, une famille morte. Et cette fois, c'est le fils qui a tué toute sa famille, qui a empoisonné toute sa famille, en fait. Et qui s'est suicidé. D'accord. Alors, tout à coup, il se rend compte que les deux familles viennent de la police. Ouais. De Poplar Bluff. Ouais. Et ils vont en parler encore à son capitaine. Ouais. Qui a énormément de choses à cacher. Ouais. Et qui va dire, ne t'en mêle pas. Encore une fois, on sait qui est le meurtrier, il s'est suicidé. Il n'y a rien à chercher de ce côté-là. D'accord. Sauf que, pour une fois dans sa vie... Il va chercher. Il va prendre une initiative. C'est ça. Et derrière le dos de tout le monde, il va chercher ce qui se passe. D'accord. Pourquoi et si peut-être il y aurait quelqu'un derrière tout ça. Bien. Miette de sang, Claire Favant. Favant, pardon. Pour rentrer dans cet univers... les portes, parce que... Alors, évidemment, c'est de la radio, vous ne le voyez pas. La couverture, c'est une porte entrouverte. Ouais. Et on y va pas à pas, ou bien c'est tout de suite? Parce que le bouquin n'est pas très gros, finalement. Ça commence pas tout de suite, parce que... Enfin, je vous dis, le héros... C'est un anti-héros. Alors, au début, t'as envie un peu de le secouer, quoi. C'est... Ouais. Il n'y a pas de caractère, quoi. Donc, il se fait marcher sur les pieds par tout le monde. Et au fur et à mesure de l'histoire, tu te prends complètement dans l'histoire, quoi. C'est ça. En te disant, qu'est-ce qu'il va découvrir? Qu'est-ce qui s'est passé? Déjà, deux familles, c'est pas mal, quoi. Bah, ouais. Mmh. Alors, avec sa mère qui est très... très direct, très strict, et dès qu'il rentre 5 minutes plus tard le soir, elle l'attend devant sa porte. Voilà, rien que ça, ça te fait rire. En même temps, tu te dis, tu le plains aussi, quoi. Ouais, tu prends quand même un peu de compassion pour ce personnage. Ouais, pas au tout début. Mm-hmm. Parce qu'au tout début, on comprend pas très bien pourquoi il est comme ça. C'est peut-être juste parce qu'il y a pas de caractère et que voilà. Mais finalement, au fur et à mesure de bouquin, bah, on comprend tout. D'accord. Du début à la fin, pourquoi elle a une vie comme ça, pourquoi sa mère est comme ça. C'est bien écrit ? C'est très bien écrit. Ouais. Ouais, c'est très bien écrit. Il y a plein de personnages, par contre. Mm-hmm. Donc, avec Stéphane, donc avec plein de personnages dedans, c'est un peu... on s'embrouille un petit peu les pinceaux de temps en temps. Parce que dans la police, il n'y avait pas qu'un seul flic, donc il y en avait plein. Donc, des fois, ils reviennent sur des affaires auparavant, et il faut se remémorer en se disant... Ah ouais, c'est vrai, il parle de ça et de telle affaire, mais franchement, au bout d'une cinquantaine de pages, on n'a plus envie de le lâcher. D'accord. De savoir ce qui se passe. Pourquoi ? Miette de sang, Claire Favant, c'est une auteure française. Ouais. C'est ça ? C'est son premier bouquin ? Non, pas du tout. Alors, elle avait sorti Le tueur intime et Le tueur de l'ombre, qui sont une suite, premier et suite. Mm-hmm. Miette de sang, je pense que ça devait être le deuxième, juste après Le tueur de l'ombre. Attends, hop, je l'ai ici. Voilà. Donc, Le tueur de l'ombre, tueur intime, Le tueur de l'ombre, Apnée noire, et puis Miette de sang. Voilà. D'accord, quatrième bouquin. Ouais, c'est ça. Et ça sort Pocket, c'est ça ? Ouais. Voilà. Bon, facile à trouver ? Très facile à trouver. Allez, et ça sortait, c'était sorti quand ? En 2016. 2016. Donc l'année passée, donc allez-y. Franchement, et il y a d'autres bouquins, apparemment tous ces bouquins sont vraiment, vraiment bien. C'est le premier que je lis d'elle et ce ne sera pas le dernier, à mon avis. D'accord, Miette de sang, Claire Favant, que l'on retrouvera probablement dans une autre salle de Books and the Radio. Retour gagnant. Pour Geoffrey Laporte, plus connu sous son pseudonyme évidemment, Jessica 9-3, qui revient avec un album qui s'appelle Guilty Species en 2017. On était resté un petit peu sur notre faim et on se demandait si le bonhomme pouvait aller un peu plus loin dans ces sons un peu cathédrales comme ça et cette espèce de no wave complètement assumé. Oui, il peut. Mental Institution, extrait de cet album Guilty Species, cela sort, chez Teenage Menopause Records. C'est parti. We'll be right back. Allez, suite et fin de l'album de la semaine, toujours avec les Italiens de Electro Blue Voice et leur album Mental Hoop. Mmh. Alors, il n'y a pas encore de date de prévue par chez nous. Non. Ils ont une seule date, c'est à Milan, donc on ne sait jamais si vous êtes mercredi prochain à Milan, mais... Par contre, les grands essais se rendent compte parce que si vous êtes des auditeurs d'RQC, si vous suivez un petit peu ce qu'on fait, il y a l'ami Thierry de Noizares, évidemment, qui nous livre une fois par mois son émission. Oui. Et qui mettait le focus ce week-end sur His Electric Blue Voice. Ah bah voilà. Salut Titi. Les grands esprits se rencontrent. Ouais. Allez, dernier extrait pour ce soir, mais peut-être pas de l'année. On va écouter le morceau de Wiz. We'll be right back.

Archives du dimanche, et on se plonge dans le troisième album de At The Drive-In qui s'appelle Relationship of Command. Et vous avez peut-être reconnu ce titre qui n'est pas sorti en single, mais qui pour moi est une vraie réussite. Ouais. Dans les genres abordés par le groupe, parce qu'on va démarrer par ça. At The Drive-In est un groupe de El Paso qui se prend malin plaisir à brouiller les pistes en utilisant du hardcore assez agressif avec parfois des belles mélodies bien construites et des sons comme ça un peu venus d'ailleurs, un peu spatiaux. Il y a du travail évidemment sur les claviers, il y a des choses préenregistrées dans leur musique, etc. C'est quelque chose de très très construit. Il y a eu, je ne sais par quelle erreur, mais un rapprochement improbable entre Rage Against the Machine et At The Drive-In au début de la consécration, hein, puisque finalement en Europe on les connaît avec cet album-là, Relationship of Command, avant de connaître les premiers albums. Et moi je ne retrouve pas du tout du Rage là-dedans. Non. Bon, ils ont vraiment quelque chose de particulier dans leur musique, quelque chose qui ne laisse pas indifférent. Et l'album Relationship of Command sort en septembre 2000 sur Grand Royal. C'est une des dernières grandes sorties pour Grand Royal, qui est le label des Beastie Boys. Ouais. Voilà, et après, allez savoir pourquoi, mais le label va mettre la clé sous la porte. Bon... J'ai pas dit que ceci expliquait cela. Mais revenons à nos moutons. At The Drive-In est un groupe qui existe depuis 1993. Ouais. Quand même. Mm-hmm. Il y a donc plus de 20 ans de carrière. Voilà, qui s'est séparé en 2001, qui s'est reformé en 2012, qui s'est re-séparé et qui revient cette année avec un album qui s'appelle Inter Alia. Voilà. Mm-hmm. Pas trop écouté. At The Drive-In, c'est surtout Cédric Bixler, un espèce de pantin désincarné au chant, qui ouais. saute partout, qui se cogne partout, qui joue avec les douleurs et le sang. Voilà, c'est quelqu'un d'extrêmement investi dans ses performances sur scène, surinvesti même. Et Omar Rodriguez, à la basse pour le coup, mais qui est la tête à penser et le musicien... le musicien du groupe, celui qui ramène les idées, qui construit un petit peu toute l'affaire. Y a un certain Jim Ward aussi qui est guitariste dans ce groupe-là, et la séparation va venir du fait que Jim Ward veut faire autre chose et il en a un peu marre du côté ultra énergique et veut s'en aller vers des choses un petit peu plus psychées. Voilà, le groupe va se séparer, il y aura Bixler et Rodriguez qui vont former de Mars Volta, absolument passable et limite inaudible parfois. Ouais, ça dépend quel morceau. Et Jim Ward qui va, lui, quant à lui, se mettre avec Tony Ajar pour former Sparta, plus proche d'At The Drive-In, on va dire ça comme ça, mm-hmm. dans l'idée. Mais ça reste quand même deux crans en dessous, bien évidemment. At The Drive-In va connaître plusieurs problèmes. En fait, c'est un peu ça qui conduit la travée du groupe. C'est que la drogue est présente assez vite dans ce groupe-là, comme dans plein d'autres groupes. Mais chez eux, ça va prendre une proportion et la séparation, ouais, on appelle ça poliment des divergences musicales. Mais en fait, ils sont un petit peu trop défoncés pour pouvoir continuer à faire quelque chose de valable. Tout simplement. Ensemble, mmh. tout simplement. En 1995, le groupe va effectuer une tournée assez incroyable à bord d'un van. Pendant 42 jours, ils vont parcourir 10 000 miles, donc c'est 9 000 km, hein, plus ou moins, ouais. De ville en ville, sans s'arrêter, en jouant tous les jours, partout, etc. Enfin, un truc assez marathonien, un truc assez malade. En 93, leur premier album, Acrobat Tenement, sort, c'est un album qui ressemble très fort à une démo, mais qui est beaucoup plus punk aussi dans l'approche, voilà. Et ça sera plutôt avec leur meilleur album pour eux, qui s'appelle In Casino Out, qui sort en 98. On va en fêter donc les 20 ans. Pour eux, c'est leur album le plus abouti, le plus construit, deuxième album pour ce groupe-là. Et je disais donc, pour le commun des mortels, At The Drive-In, c'est relié invariablement à Relationship of Command. Qu'est-ce qu'on retrouve dans ce disque ? On retrouve un peu de tout, et parfois un petit peu de trop peu. C'est une des idées qu'on peut recevoir à l'écoute de ce disque. C'est évidemment assez violent, voilà. Arc Arsenal pour ouvrir l'album, qui est un morceau imparable. Pattern Against User en deux, et le single Ravageur, One Armed Scissor, qui fera le tour du monde et qui fera connaître vraiment le groupe. Les trois premiers titres, évidemment, on est dans quelque chose de très rugueux, très hardcore, pas si mélodique que ça, et très jusqu'au boutiste et très débauché, voilà, dans l'énergie. Alors que le groupe est bien plus intéressant, comme le Humphilet qu'on a écouté juste avant, et peut s'en aller dans des sphères plus intéressantes, me semble-t-il, au niveau musical. Il y a vraiment de la construction et de la conception derrière tout ça. C'est Ross Robinson qui s'occupe de l'enregistrement de ce disque. Travaillé auparavant avec Sepultura, par exemple. Et Andy Wallace qui va s'occuper du mixage. L'homme derrière Face No More. Voilà. Ça va. Ça donne un petit peu le pourquoi du comment. Sur Roland Ex-Propaganda, il y a un certain Iggy Pop qui traînait dans le coin et qui s'est dit, tiens, voilà, moi je vais faire un petit peu quelques vocalises. Et la voix au téléphone, justement, dans Enfilade, c'est Iggy Pop qui s'y colle. Bon. Bien prometteur, bien construit, imparable pour deux singles assez improbables et pourtant qui vont tourner partout, le One Armed Scissor, je disais, et le Invalid Litter Department qu'on va écouter juste maintenant pour clôturer ce petit retour du dimanche sur un album du dimanche, Relationship of Command at the Drive-In, Invalid Litter Department, c'est parti. Wishing well, wishing well, wishing well. conveniently polite, it was the walkie-talkies that had knocked the pins down as her shoes lay dangling on the dirt floor in the silhouette of dying. Dancing on the corpse's ashes. Well, yeah, they had plans for him. They had spun the last of the pimps. Polyester satin nails chewed her lips while the guillotine just laughed again. Dancing on the corpse's ashes. And the paramedics had fallen into the wound like a rehired scab at a bareheaded plant. An anesthetic penance beneath the hail of contraband. Dancing on the corpse's ashes. Ashes, dancing on the corpse's ashes. Mes pieds de driving du soir. Allez, une petite nouveauté pour suivre. Attends, j'ai pas pris. Vas-y. Nouveau. Voilà. Et je vous avais dit, on partira au Mexique et on y va maintenant. On va prendre un petit peu de chaleur, ou pas, avec un duo qui s'appelle Mint Field, duo de deux jeunes filles de 21 ans. Ah bon ? Qui sortiront leur premier album l'année prochaine. Album qui s'appelle, je suis désolée pour mon espagnol, Pasar de las Luches. Mmh. Voilà. Et il y a un premier extrait qui vient de sortir qui s'appelle Rose en el Carro. Mmh. J'ai pas l'accent espagnol, bon, d'accord. Et c'est sorti chez Innovative Leisure, qui est un label qui a quand même sorti Deluxe ou encore les Alalaz. Oui, tout à fait. Voilà. Bien. Allez, c'est parti, Mint Field. Ah ouais. Ah. Voilà. Thank you. prometteur, hein. Ouais. Quand même. C'est un petit peu l'ovni du soir. C'est ça. Mindfield. Allez, en parlant de chant, ben, on va pas faire un chant de menthe, là, on va aller plutôt sur les terres de Mésopotamie. Pourtant, ça se passe à Liège. Ouais, encore un peu de belge ce soir, mais on est parti pour une longue, longue song qui va nous amener au bord de la fin, quasi. Donc voilà. À la fin, même, je pense. À la fin. Wyatt E, c'est le nom du projet qui s'est entiché dans l'idée de faire des cassettes face A, face B, avec des morceaux de 20 minutes de chaque côté. Ouais, forcément, si tu veux en parler en radio, c'est un peu compliqué, mais il y a moyen quand même. Ça sort chez Chaloche Cult et Fear of Gun pour les labels. Wyatt E, trio liégeois, on retrouve notamment un membre de K là-dedans. Et un ex de membre de Deuil, Rayon Doom, etc. Là, on est parti dans un post quelque chose. L'album s'appelle Exile to Ben Neharoth. Exile to Ben Neharoth. Deux titres sur cet album. Très très puissant. Ode to Ishtar pour les titres de ce soir. Wyatt E. C'est parti. Extrait de Exile to Ben Nearoth, Wyatt E, groupe de Liège, trio qui propose une musique, ma foi, envoûtante. Quand même. Ouais. Quand même, hein. Ouais, ouais. Bien, allez. Forcément, pas de décroche pour ce soir, mais ça, c'est un beau décroche. Hein. C'est un long décroche. Un long décroche et un beau. Aussi. Aussi. Quoi que vous fassiez, faites-le bien, sortez couverts, soyez prudents. La semaine prochaine, bye bye. Bonsoir. Et ça sera la der déjà pour nous cette année. Ben oui. On se retrouvera en 18. Hein. C'est ça. C'est pour vous souhaiter bonne année. Pour la souhaiter bonne année, exactement. Après, c'est Hector. Ducks, ducks. Sneering and whispering and stealing your cars. Reading pornography, smoking cigars. Ducks, ducks, quack, quack, quack, quack. Ducks, ducks, quack, quack, quack, quack. Nasty and small, undeserving of pride. Ducks, ducks, quack, quack, quack, quack. They smirk at your hairstyle and sleep with your wife. Ducks, ducks, quack, quack, quack, quack. Dressed in plaid jackets and horrible shoes. Getting divorces and turning taboo. Ducks, ducks, quack, quack, quack, quack. Ducks, ducks, quack, quack, quack, quack. Forcing old ladies to throw them some bread. Ducks, ducks, quack, quack, quack, quack. Who could deny they'd be better off dead? Ducks, ducks, quack, quack, quack, quack. Look closer and you may recoil in surprise at web-footed fascists with mad little eyes.